J'ai passé mon temps dans le quartier, à vouloir Rolex et lunettes Cartier. À tirer les T-Max en arrière, à la coche pleine du Versace. Dis, j'sens le parfum, j'vois ma gueule. Dis, son cramé l'ovni dans l'audi. Dis, toujours de l'inspi, j'ai de la mélodie. Dis, j'fais la guerre pour l'indé comme Gandhi. Toujours anti-halki, ça vient du maquis. Pour mon titre en chien, j'rappe dans des parkings. J'ai plus de cœur, laisse-moi tranquille ou ma chérie. J'passe en ville, j'envoie des vives à l'Algérie. J'ai la bedolande dans le grinder. La vie est pleine de surprises comme le Kinder. L'amour ça fait mal. J'veux pas finir comme Sam et Ginger. Fais des petits tours sur ma moto. J'ai pris les virages en crabe. J'ai pris trois bêtes sur la photo. J'ai pris deux verres au dab. L'ovni, la machine, ça squatte le studio. Poto, c'est comme d'hab. Tu vois le topo, des aides corsico. Frangin, c'est capable. Roulette russe, ouais, c'est ça nobby. Relou si j'finis sur le pavé. Roulin, laisse les problèmes stasser. Relou l'histoire de notre passé. C'est nous la zone, c'est nous la zone. Disquette d'or, disque de béton. C'est nous la zone, oui c'est nous la zone. Pensez à tous ceux qui s'embêtent. C'est nous la zone, c'est nous la zone. Disquette d'or, disque de béton. C'est nous la zone, oui c'est nous la zone. Pensez à tous ceux qui s'embêtent. T'en sors 10, j'en sors 20. Sans plein de vis, je les survole. Wesh la mise, tu me surveilles. RS6 en survêt. T'en sors 10, j'en sors 20. Sans plein de vis, je les survole. Wesh la mise, tu me surveilles. RS6 en survêt. Tous les yeux de ces caves qui nous retardent. Mais tous les vrais le savent qu'on est des braves. Tu m'as dit trop de vérité, t'étais sous jack. Ils connaissent pas la vérité, mais rien qui jacte. Pas les mêmes douleurs quand je dormais dehors. Je rêvais du million dollars. Aujourd'hui ça fait bzeuf. Ils reviennent tous comme mon ex. J'suis pas dans leur soirée bizarre. J'prends du soleil d'un ex. Yes. Roulette russe, ouais c'est ça nobby. Relou si j'finis sur le pavé. Roulin laisse les problèmes stasser. Relou l'histoire de notre passé. C'est nous la zone, c'est nous la zone. Disque d'or, disque de béton. C'est nous la zone, oui c'est nous la zone. Pensez à tous ceux qui s'embêtent. C'est nous la zone, c'est nous la zone. Disque d'or, disque de béton. C'est nous la zone, oui c'est nous la zone. Pensez à tous ceux qui s'embêtent. Oh mamacita, ah. Oh mamacita, ah. Tu veux vivre la Dolce Vita. Moi, je suis dans la zone, c'est inévitable. Ah la guitare vient de l'Est, gros, elle est rouillée. La police y a, pense qu'à nous fouiller. Et y'a ta soeur la folle, qui nous téléphone. Dans les S3, gros, elle a mouillé. Ma bonita, j'ai vendu de la queue, trop pas vendu de pizza. Je les vois tous ces fils de Kim, t'es ma pizza. Ah laisse tomber, ah ouais poto laisse tomber. Tu nous as vu condamner. Tu nous as vu tous tomber. Aïe aïe aïe, savais ce qu'est la maison d'arrêt. Moi s'il y a Paname c'est pareil. Pa pa pa, t'as vu tout le mal qu'on a fait. T'as vu nos parents sont inquiets. Ya ma mama, oui. À la cherche de la moula mon frère. Oui. On veut que du violet, du vert.